passé mort. Mais c'est son fantôme qui me poursuit. Défoncé, trop angoissé pour fermer l'œil de la nuit. La pression, les questions, les doutes, le stress, la nostalgie, les regrets quand je pense à ma jeunesse. D'abord j'ai rêvé, puis j'ai vu, puis j'ai sué, j'y ai cru, puis j'ai fumé, j'ai bu. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Des années gâchées, des occasions ratées. Dans ma tête, l'obsession de pas avoir fait ce qu'il fallait. Des fois juste pas assez, des fois tellement n'importe quoi. Jusqu'à perdre la confiance et l'estime de soi. Peu à peu j'ai trouvé la foi, certains jours je l'ai perdu. Aujourd'hui je regrette rien de plus que ce que je n'ai plus. En premier, mes disparus, leurs souvenirs me hantent. Et quand ils viennent dans mes rêves, au réveil ils me manquent. À travers moi, faut qu'on voit que leur travail porte ses fruits. Quand je m'auto-détruis, c'est leur voix qui me dit: ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas. Mais je tombe, je sombre, il faut que je me relève. Cloué au sol, je sens doucement que je crève. Dans cette vie qui me blesse, ces nuits qui m'achèvent. Je suis à deux doigts du coma quand le jour se lève. Pas une heure de trêve, je te l'ai dit, c'est le stress. Dans ma tête, c'est l'argent, l'argent, les traîtres. Je me sens con quand je pense qu'ils m'ont fait saigner le cœur. Des fois j'aimerais leur pardonner, le plus souvent j'aimerais qu'ils meurent. J'aimerais qu'ils pleurent, j'aimerais qu'ils souffrent. Et toute cette haine me pousse vers le gouffre. Il faut que je me libère. Il faut que je souffle, il faut que je respire. J'ai du mal, je m'étouffe, mon cerveau me joue des tours. Je veux repousser mes limites, mais quand je vais trop loin, les miens me disent: ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas. On est trop vrai pour tous ces bâtards. Chérie, trop vrai, quand on rit ou quand on a le cafard. Trop vrai, au milieu de tous ces putains d'hypocrites. Parce qu'on est trop vrai, on est trop souvent trop seul et trop triste. Trop vrai, c'est pas pour ça qu'on est trop naïf. Trop vrai, et ces enculés vont connaître le tarif. Tellement vrai, que l'ambiance tourne à la haute tension. Rien à foutre, vengeance, c'est le nom de ma mission. Trop vrai, pour succomber à leur confusion. Trop vrai, pour laisser tomber dans ce monde de compétition. Trop vrai, la rage me maintient en condition. Trop vrai, donc on se donne les moyens de nos ambitions. Vise le meilleur si tu peux pas oublier le pire. En vrai, j'ai qu'une chose à te dire: ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas.